Moralité. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours, 1000 exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être. Et toujours, il coûte trop cher. Autre moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé, et que du monde, on sache les grimoires, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible. Fut-il malcontent et jaloux? Près de sa femme, on le voit filer doux, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître.